Elle revint dans la salle à manger, suivie de Crevel, qui se flattait d'avoir trouvé le moyen de posséder à lui seul Valérie. Mais il aperçut le baron Hulot, qui, pendant cette courte conférence, était entré pour réaliser le même dessein. Le conseiller d'État demanda, comme Crevel, un moment d'audience. Madame Marneffe se leva pour retourner au salon, en souriant au Brésilien, comme pour lui dire « Ils sont fous, ils ne te voient donc pas ?»« Valérie, dit le conseiller d'État, mon enfant, ce cousin est un cousin d'Amérique. » « Oh, assez !» s'écria-t-elle en interrompant le baron. « Marneffe n'a jamais été, ne sera plus, ne peut plus être mon mari. Le premier, le seul homme que j'ai aimé est revenu, sans être attendu. Ce n'est pas ma faute. Mais regardez bien Henri et regardez-vous. Puis demandez-vous si une femme, surtout quand elle aime, peut hésiter. Mon cher, je ne suis pas une femme entretenue. » À compter d'aujourd'hui, je ne veux plus être comme Suzanne entre deux vieillards. Si vous tenez à moi, vous serez, vous et Crevel, nos amis. Mais tout est fini, car j'ai 26 ans. Je veux être à l'avenir une sainte, une excellente et digne femme, comme la vôtre. C'est ainsi, dit Hulot. Ah, voilà comment vous m'accueillez, lorsque je venais, comme un pape, les mains pleines d'indulgence. Eh bien, votre mari ne sera jamais chef de bureau ni officier de la Légion d'honneur. C'est ce que nous verrons, dit Madame Marneffe en regardant Hulot d'une certaine manière. Ne nous fâchons pas, reprit Hulot au désespoir. Je viendrai ce soir et nous nous entendrons. Chez Lisbeth, oui. Eh bien, dit le vieillard amoureux, chez Lisbeth. Hulot et Crevel descendirent ensemble sans se dire un mot jusque dans la rue. Mais sur le trottoir, ils se regardèrent et se mirent à rire tristement. « Nous sommes deux vieux fous, » dit Crevel.